Le poème de Vaf Trudner. Odin. Frigga, donne-moi un avis. J'ai le désir de voyager et d'aller trouver Vaf Trudner. J'ai une envie extrême de causer de la sagesse antique avec ce géant si savant. Frigg. Je conseille au père des armées de rester dans son palais divin, car je ne me souviens d'aucun géant dont la force puisse être comparée à celle de Vaf Trudner. Odin. J'ai beaucoup voyagé, j'ai essayé d'un grand nombre de choses, j'ai mis bien des intelligences à l'épreuve. Maintenant, je désire connaître les usages établis dans les salles de Vaf Trudner. Frigg. Honneur à ton départ, honneur à ton retour, honneur à toi quand les Hazès te salueront de nouveau. Sois puissant en esprit, notre père et celui de l'univers, lorsque tu vas échanger des paroles avec le géant. Odin partit donc pour mettre à l'épreuve l'habileté du savant Vaf Trudner et arriva dans la salle qui avait appartenu au père Dimmer. Odin. Honneur à toi, Vaf Trudner. Me voici dans ta salle où je viens te voir en personne. Je désire savoir d'abord si tu es en effet le plus savant des géants. Vaf Trudner. Quel est cet homme qui vient dans ma salle pour m'adresser la parole ? Tu ne sortiras jamais d'ici, à moins que tu ne sois plus savant que moi. Odin. Je me nomme Gongroder. J'arrive de voyage et suis altéré. Une invitation hospitalière de séjourner chez toi me ferait plaisir, car j'ai fait une longue course, géant. Vaf Trudner. Pourquoi Gongroder me parle-t-il debout ? Assieds-toi dans la salle. Nous lutterons ensuite à qui est le plus instruit de nous deux. Gongroder. Quand l'homme pauvre vient chez les riches, il ne doit dire que les paroles nécessaires ou se taire. Beaucoup parler nuit aux voyageurs récemment arrivés chez l'homme dont le côté est froid. Vaf Trudner. Dis-moi, Gongroder, puisque tu veux tenter la fortune debout, comment nomme-t-on le cheval qui amène tous les matins le jour qui luit sur les enfants des hommes ? Gongroder. Skinfax est le nom du cheval qui amène tous les matins le jour sur les enfants des hommes. C'est, dit-on, le meilleur de tous les chevaux, et sa crinière sera éternellement lumineuse. Vaf Trudner. Dis-moi, Gongroder, puisque tu veux tenter la fortune debout, comment on nomme le cheval qui tire la nuit de l'Orient et l'étend sur les dieux propices ? Gongroder. Rimfax est le nom du cheval qui tire la nuit de l'Orient et l'étend sur les dieux propices. Tous les matins, l'écume tombe de son mors et se transforme en rosée dans les vallons. Vaf Trudner. Dis-moi, Gongroder, puisque tu veux tenter la fortune debout, quel nom on donne à la rivière qui sépare le pays des fils des géants de celui des fils des dieux ? Gongroder. Ylfing est le nom de la rivière qui sépare le pays des fils des géants de celui des fils des dieux. Rien ne suspendra son cours tant que dureront les jours du monde, et jamais elle ne sera gelée. Vaf Trudner. Dis-moi, Gongroder, puisque tu veux tenter la fortune debout, quel nom donne-t-on à la plaine où les dieux Clément et Zurtour se rencontreront pour le dernier combat ? Gongroder. Vigrid est le nom de la plaine où les dieux Clément et Zurtour se rencontreront pour combattre. Cette plaine a été faite à leur intention. Il y a 100 haltes de chaque côté. Vaf Trudner. Tu es savant, ô étranger. Viens sur les bancs du géant et parlons ensemble assis. Par notre tête, étranger, nous nous livrerons dans la salle des combats d'esprit. Gongroder. Dis-moi, Vaf Trudner, savant géant, si tu le sais et si ton esprit a quelque valeur, d'où viennent la terre et le ciel élevés ? Vaf Trudner. La terre fut créée avec le corps d'Ymer, les montagnes se formèrent de ses eaux, on fit le ciel avec le crâne couvert de frimas de ce géant. Mais l'océan a été fait avec son sang. Gongroder. Dis-moi, Vaf Trudner, si tu le sais, et si ton esprit a quelque valeur, d'où proviennent la lune qui passe sur le monde et le soleil ? Vaf Trudner. Mundilfer est le père de la lune, il l'est également du soleil. Ils sont obligés de parcourir avec rapidité le ciel en un jour afin de compter les années des fils des hommes. Gangrader. Dis-moi, Vafthrudner, si tu le sais et si ton esprit a quelque valeur, d'où provient la lumière qui passe tous les jours sur le monde et la nuit avec ses ténèbres? Vafthrudner. Le père du jour est Delling, mais la nuit a été portée par Nerve. Les dieux propices créèrent les différentes phases de la lune afin de compter les années des hommes. Gangrader. Dis-moi, Vafthrudner, d'où proviennent l'hiver et l'été? Vafthrudner. Vinsval est le père de l'hiver et Svazad celui de l'été. Ils marcheront continuellement jusqu'au jour où les puissances célestes seront dissoutes. Gangrader. Dis-moi, Vafthrudner, lequel des As ou des géants existait au commencement du temps? Vafthrudner. Durant une suite d'hivers, avant la formation de la Terre, naquit Bergelmer. Trudgelmer était son père, mais Urgelmer fut l'auteur de leur race. Gangrader. Dis-moi, Vafthrudner, quelle est l'origine d'Urgelmer, le premier géant? Vafthrudner. Les gouttes de venin lancées par les ondes d'Elivager grandirent et devinrent un géant. Mais les étincelles s'élancèrent de la demeure du sud et donnèrent la vie au Frima. Gangrader. Dis-moi, Vafthrudner, comment le puissant Urgelmer eut des enfants, puisqu'il n'avait pas encore goûté le plaisir que donne la possession d'une femme? Vafthrudner. On dit qu'en dessous de l'épaule d'Urgelmer poussèrent en même temps un fils et une fille. L'un de ses pieds procréa avec l'autre un fils indépendant. Gangrader. Dis-moi, Vafthrudner, quel est ton plus ancien souvenir ou la première chose que tu as apprise? Tu es bien savant, ô géant. Vafthrudner. Durant une suite d'hivers, avant la formation de la terre, naquit Bergelmer. Voilà ce que j'ai appris en premier. Cet habile géant fut sauvé dans une barque. Gangrader. Dis-moi, Vafthrudner, d'où vient le vent qui passe sur la vague? Pas un homme ne l'a vu. Vafthrudner. Le géant qui est assis à l'extrémité du ciel, sous la forme d'un aigle, se nomme Rusvelger. Ses ailes, dit-on, envoient le vent dans toutes les parties de l'univers. Gangrader. Dis-moi, Vafthrudner, quelle est l'origine des dieux? D'où vient Njord? On lui a consacré beaucoup de temples et de saints lieux, et cependant il n'a point été élevé parmi les Ases. Vafthrudner. De sages puissances le créèrent dans Vanaheim et le donnèrent aux dieux comme otage. Mais lorsque viendra le soir de l'univers, il retournera chez les Vanes, ce peuple savant. Gangrader. Dis-moi, Vafthrudner, quelle est l'origine des dieux? Que feront les Einarjars dans les salles du Père des Armées jusqu'au moment où les puissances seront dissoutes? Vafthrudner. Tous les Einarjars combattent chaque jour dans les cours d'Odin. Ils font ensuite des élections et reviennent à cheval du combat. Ils boivent la bière forte avec les Ases, mangent Zérimer et sont assis ensemble en bonne intelligence. Gangrader. Dis-moi, Vafthrudner, quelle est l'origine des dieux? Parlons toute vérité sur les runes des géants et sur celles des dieux, puisque tu es censé savoir toute chose. Vafthrudner. Je puis dire la vérité sur les runes des géants et sur celles des dieux, car j'ai parcouru tous les mondes. Je suis allé dans 10 mondes en dessous de Niflheim. Là meurent les hommes qui sortent de l'habitation de Hel. Gangrader. J'ai beaucoup voyagé, beaucoup appris. J'ai mis à l'épreuve bien des intelligences. Quels hommes auront survécu quand l'hiver de Fimbul, chanté par les Skalds, sera fini? Vafthrudner. Ce sont Lif et Liftraser, mais ils se cacheront dans les montagnes sauvages de Hodmimer et s'y nourriront de la rosée. La nouvelle race naîtra d'eux. Gangrader. J'ai beaucoup voyagé, beaucoup appris, j'ai mis à l'épreuve bien des intelligences. D'où viendra le nouveau soleil dans le ciel uni lorsque le loup aura avalé celui que nous voyons? Vaftrudner. Le soleil, avant d'être anéanti par le loup, donnera le jour à une fille. Quand les dieux disparaîtront, elle suivra la même route que sa mère. Gangrader. J'ai beaucoup voyagé, beaucoup appris. J'ai mis à l'épreuve bien des intelligences. Quelles sont les vierges qui passent sur l'océan des races humaines avec des cœurs si sages? Vaftrudner. Il y a trois bandes de vierges de Mugtrazr. Elles planent au-dessus des mondes et sont bienveillantes pour les habitants de la terre, quoique élevées parmi les géants. Gangrader. J'ai beaucoup voyagé, beaucoup appris. J'ai mis à l'épreuve bien des intelligences. Quels sont les ases qui dirigeront le royaume des dieux quand la flamme de Zurtur s'éteindra? Vaftrudner. Vidar et Val construiront le nouveau sanctuaire lorsque la flamme de Zurtur s'éteindra. Mod et Magne posséderont Mjolnir et mettront fin au combat. Gangrader. J'ai beaucoup voyagé, beaucoup appris. J'ai mis à l'épreuve bien des intelligences. Comment finira Odin lorsque les puissances seront dissoutes? Vaftrudner. Le loup doit avaler le père du monde. Vidar vengera son père et fendra les joues glacées lorsqu'il ira combattre le loup. Gangrader. J'ai beaucoup voyagé, beaucoup appris. J'ai mis à l'épreuve bien des intelligences. Qu'a dit Odin à l'oreille de son fils lorsque celui-ci est monté sur le bûcher? Vaftrudner. Personne ne sait ce que tu as dit dans le commencement des temps à ton fils. Mes lèvres réprouvées ont parlé de la plus haute antiquité de l'origine des dieux. Maintenant que ma science a été mise à l'épreuve par Odin, tu seras éternellement le plus savant des savants.